Angelo Berta on the beat. À moi dodo, eh dodo. À moi dodo, eh. Ah, dodo, dodo. Angelo Berta. Merci mon Dieu, pour toutes tes doigts ou dans ma vie, je ne cesserai de te dire merci. Dans ce monde rempli de méchanceté, ah, ah, si c'est pas toi à qui on va dire merci. Y'a des gens qui me disaient que je n'allais pas y arriver, je n'allais même pas m'en sortir, oh, que je n'allais jamais évoluer. Mais là comme on y est, tu conspires sur ma vie, tu parles, moi j'avance, oh, c'est ça, on dit qu'il y a Dieu dedans, oh, eh. Voilà pourquoi je dis, à moi dodo, dodo, à moi dodo, eh. Dodo, à moi dodo, ah, dodo, oh, à moi dodo, eh. Dodo, DJ Meko. Pacheco, Linda de l'INSEE. Tu ne peux pas semer et récolter le même jour. Je te l'ai déjà dit, on parlera de toi, Inch'Allah. Le soleil qui brille n'ignore pas le village parce qu'il est petit, oh. Je suis pas né pour souffrir, oh. Cette année-là pour moi va sortir, eh. Inoka Kuma Kuma Kuma Kuma Kuma, oh. Oh. On te dit adieu dedans, je peux pas taper photo. À moi dodo, dodo, à moi dodo, eh, dodo, à moi dodo, ah, dodo, oh, à moi dodo, eh, dodo. Saki Eric, ah, Moussa Dembélé, Alain Guédé de Toulouse, Kaba Mignon, Ange Pacao, Franck Kessier. Mon ami Maxwell Cornet. Y'a des gens qui me disaient que je n'allais pas y arriver. Je n'allais même pas m'en sortir, yo. Que je n'allais jamais évoluer. Mais là, comme on y est, Nadjoro, tu conspires sur ma vie. Tu parles, moi j'avance. Oh, c'est ça, on dit qu'il y a Dieu dedans. Oh. Génération consciente, MBC. À moi, Dodo. Dodo. Gadillon le mignon. Kevin C, yeah, Maïka Habib, Benomel, Angban Victorien, Droba DJ, oh, Eric Bayo. C'est par la foi que l'on peut traverser les courants. Hassan Youkouri, Momo Kanzai, Kadek Eida, oh, Wilfried Kado. On a créé pas comme Aïmé Pezo, oh, Aïmé Pezo. Maman Série Brigitte, Agnès Bobo, Marie Somayou, Georges Le Gob, Doudou Sticker de Genève.